Le Camino français, fourmi de richesses. Entre Metz et Kermesse, on vous le confesse. Burgos, León, Samos, Carrión, au Cebrero, y Santiago, nous sommes partis vers Compostelle. Le Camino nous donne des ailes. Buen Camino, peregrino, y tú también, que tal muy bien. Fin d'étape fatiguée, je vais à l'albergue, accueil donativo, hospitalero, café, solo, ducha, sello, sur crédential, puis cathédrale, nous sommes partis vers Compostelle. Le Camino nous donne des ailes. Buen Camino, peregrino, y tú también, que tal muy bien. Menu peregrino, con vino tinto, maxi bocadillo, le gusta mucho. Tapas, cañas, patatas, fritas, tarte Santiago, buen provecho. Nous sommes partis vers Compostelle. Le Camino nous donne des ailes. Buen Camino, peregrino, y tú también, que tal muy bien. Certains disent c'est facile, un long fleuve tranquille, même s'il y a des périls, ne te fais pas de bile. Des plaies, des bosses, piojos, perros, una ampolla, du sparadrap, nous sommes partis vers Compostelle. Le Camino nous donne des ailes. Buen Camino, peregrino, y tú también, que tal muy bien. Rencontre avec les autres ou avec soi-même, cheminement vers l'apôtre ou vie de bohème. Hablar, andar, pensar, amar, spirituel ou culturel, nous sommes partis vers Compostelle. Le Camino nous donne des ailes. Buen Camino, peregrino, y tú también, que tal muy bien.